Le 20 février 2013, c'est le 11e marathon des sans-abri, une diffusion pan-canadienne de 14 heures sur les enjeux du logement et de l'itinérance. Le marathon sera diffusé sur plusieurs stations de radio communautaire à travers le Québec et le Canada. On s'en fout de la charité, nous autres, là, la guignolée à chaque 3 ou à chaque 9 décembre, c'est pas ça la solution à la question de la faim et à la question de la pauvreté, c'est une solution politique. Écoutez CKUT 90,3 FM de 17h jusqu'à 7h du matin dans la nuit du 20 février 2013. Visitez ckut.ca/homeless ou mediacoop.ca pour écouter en direct sur Internet. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez ckut.ca/homeless et contactez marathon@ckut.ca. Un toit, c'est un doigt.